Vendredi 10 mars, ici Dominique Lelièvre et les informations. L'épineuse question des transferts en santé est réglée. Le gouvernement du Québec a finalement accepté l'offre du fédéral malgré des mois de contestation. Le taux de croissance des transferts en santé sera donc réduit de 3 % comme le souhaitait le gouvernement Trudeau. Les provinces demandaient plutôt 6 % de croissance. En contrepartie, le fédéral octroie une enveloppe de 2,5 milliards de dollars sur 10 ans au Québec pour la santé mentale et les soins à domicile. Reste à voir avec quelle latitude le Québec pourra investir ses fonds. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, doit commenter sous peu la conclusion de cette entente. Et la nouvelle figure de proue de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, tempère ses propos. L'ancien leader étudiant a soulevé la controverse jeudi en accusant la classe politique des 30 dernières années d'avoir trahi le Québec. Sur sa page Facebook, il affirme qu'il ne voulait pas insinuer que rien de bon n'a été accompli ces 3 dernières années. Il déplore cependant les nombreuses promesses électorales non tenues qui ont, selon lui, alimenté le cynisme. Gabriel Nadeau-Dubois estime aussi que les conditions de vie de la classe moyenne se sont dégradées ces 30 dernières années. Un cadeau du ciel pour la maison Laubrivière. Le refuge de la rue Saint-Paul a reçu une livraison ce matin de 70 nouveaux matelas. Gracieuseté de l'entreprise québécoise Matelas René qui a fait part de sa volonté de redonner à la communauté à l'occasion de son anniversaire. Le directeur général de Laubrivière, Éric Boulay, admet que cette aide est bienvenue puisque certains de ces lits ont plus de 20 ans. L'organisme n'a tout simplement pas les fonds nécessaires pour renouveler ses équipements de la sorte, et les besoins sont pourtant bien réels puisque Laubrivière a vu son taux d'occupation atteindre 96 % en 2016, du jamais vu dans l'histoire de l'organisme. Enfin, les plaines d'Abraham sont de plus en plus prisées pour la tenue d'événements, mais le gestionnaire ne souhaite pas en accueillir davantage. En entrevue au Soleil, la présidente de la Commission des champs de bataille nationaux, Mme Margaret Delisle, affirme que les lieux ne peuvent plus accueillir davantage d'activités. Elle rappelle que le parc doit rester accessible à la population et qu'il faut en respecter le caractère commémoratif. Pas moins de 250 événements y sont tenus annuellement. Ils ont rapporté plus $1 million ces 4 dernières années aux plaines d'Abraham. Printemps, été, automne, hiver, météo. On est toujours bien en hiver puisque le front froid qui frappe le Québec depuis hier n'a pas dit son dernier mot. Heureusement, le soleil est avec nous aujourd'hui et va nous permettre d'atteindre moins 8 degrés cet après-midi. Du soleil demain aussi, mais on pourrait cependant fracasser un record de froid demain alors qu'il fera moins 16 degrés et même moins 34 avec le facteur éolien. Ça se réchauffe un peu dimanche, maximum de moins 9 degrés, toujours sous le soleil. Présentement à Québec, on a moins 9 degrés. Il fait moins 16 avec le refroidissement éolien.